الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui un livre qui s'appelle حق النبي صلى الله عليه وسلم, écrit par le Cheikh Abdullah ibn عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى, c'est-à-dire le droit du prophète, hein, le droit du prophète صلى الله عليه وسلم, avec le premier cours dans le livre حق النبي صلى الله عليه وسلم. Et ce livre حق النبي, écrit par, comme je disais, par le Cheikh Abdullah al-Bukhari hafizahullah ta'ala, à la base c'est une conférence qu'il a donnée au sujet du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a été par la suite retranscrite, cette conférence, et elle a été publiée dans un livre, un petit livre, et c'est le livre qu'on est en train de lire aujourd'hui, ou bien qu'on va lire aujourd'hui. L'introduction de ce livre, le Cheikh il mentionne dans l'introduction le plan du livre, c'est-à-dire comment le livre est divisé. Et donc il explique que le livre est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est Al-Iman bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier droit, al-haqq al-awwal. Et dans ce chapitre là il parle des points suivants. Il y a 4 points. Le premier point, c'est la signification de la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, les choses qui viennent annuler la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point, les preuves de l'obligation de croire en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le Coran et la Sunna. Et le quatrième point, yani le sens général de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux deux mondes, le monde des djinns et le monde des humains, et que son message est un message universel et général pour tous les êtres humains, pour tous les djinns, jusqu'à la fin des temps. Et parmi cela, il y a le point ou l'élément du fait qu'il faut croire que la religion, elle est complète, elle a été parachevée, et que le message a été transmis de la manière la plus complète et la plus parfaite. Le deuxième chapitre, c'est à propos du deuxième droit, al-haqq al-thani fi ta'atihi sallallahu alayhi wa sallam wa ittiba'i sunnatihi. Donc, c'est-à-dire, le deuxième droit, c'est l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'obligation de suivre sa sunna. Et dans ce chapitre, il y a deux points. Le premier point, les preuves de l'obligation d'obéir à la révélation qui est composée du Coran et de la sunna. hein, qu'on dit en arabe, on dit al-wahyan, les deux révélations, c'est-à-dire la révélation du Coran et la révélation de la Sunna. Et le deuxième point dans ce deuxième chapitre, c'est le fait que certains des imams de la Sunna, parmi les imams des salafs, ont mentionné dans plusieurs de leurs citations des éléments qui qui clarifie donc comment, à quel point ils ont fait la guerre à toute chose qui oppose le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième chapitre, الحق الثالث محبته صلى الله عليه وسلم وأقسم الناس فيها وبعض علامات محبته. Le troisième point parmi les droits du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم, le fait que le croyant doit aimer le prophète صلى الله عليه وسلم, et les différentes catégories des gens dans cet amour, et certaines manifestations, certains signes de cet amour, les signes de cet amour. Et le quatrième chapitre, الحق الرابع وجوب توقيره صلى الله عليه وسلم وتعزيره ونصرته أو نصرته. Le quatrième chapitre, c'est au sujet du quatrième droit, qui est l'obligation de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de venir à son secours et à son aide et de le défendre. Et ça, c'est un chapitre qui est divisé en quatre points. La signification des différents termes qui sont employés dans ce chapitre, la signification de at-ta'zir, la signification de at-tawqir, et le deuxième point, c'est la manifestation de ce respect envers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa vie, et la manifestation de ce respect de la part de la umma envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et le quatrième point, c'est les différents aspects, les différentes manifestations du suivi et du respect des sahaba et des tabi'in de cette umma pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis à la fin, il y a une conclusion de ce livre. Donc, ayant dit ça, maintenant on va commencer tout de suite avec le premier droit, al-haqq al-awwal. Al-haqq al-awwal, al-iman bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier droit, c'est la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il explique, il dit ma'na al-iman bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le premier point dans ce chapitre, c'est qu'est-ce que c'est la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il explique, il dit wa ma'na al-iman bihi qala ba'd ahli al-'ilm mubayyinan معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه تصديقه وطاعته واتباع شريعته. ولهذا قال أهل العلم تصديقه صلى الله عليه وسلم يلزم منه أمران. الأمر الأول إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما بلغه عن ربه جل وعلا، وأن ذلك مختص به صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تصديقه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء به من عند الله عز وجل، وأنه واجب الاتباع. فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به عن الله، عن أمور المغيبات، وعن الجنة والنار، وعن الوعد والوعيد، وعن عذاب القبر ونعيمه، إلى كل ما أخبر به عن الله جل جلاله في الأمور كلها. قال الله جل وعز وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc le cheikh, il explique que la signification donc de la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la foi en الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh il explique que la foi, hein, le prophète صلى الله عليه وسلم, comme les ulama l'ont expliqué, c'est pour expliquer en fait la signification de la foi en le prophète صلى الله عليه وسلم. Ils ont dit que c'est de lui obéir, de croire en ce qu'il a donné comme information, que ce qu'il a ramené comme révélation, d'obéir à son ordre et de suivre sa législation, de suivre sa sharia. Et ça, c'est la définition qui a été mentionnée par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et dans Al-Usul al-Thalatha, vous allez voir que Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il a résumé ça d'une manière qui est facile à mémoriser en disant هو تصديقه في طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Ça c'est une formule, une phrase qui résume donc la signification de la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire طاعته فيما أمر, c'est-à-dire tu lui obéis dans ce qu'il t'ordonne. وتصديقه فيما أخبر, tu crois en ce qu'il t'a donné comme information sur la religion. وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرُ, c'est de t'écarter de ce qu'il t'a interdit de faire. Et également le dernier point, c'est وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, c'est-à-dire que tu ne dois pas adorer Allah excepté par qu'est-ce qu'il a légiféré, hein, qu'est-ce qu'il a amené comme adoration et législation. Sinon tu fais des innovations. Sinon tu vas faire des innovations, tu vas adorer Allah par des façons innovées, et ça c'est interdit. Donc ça c'est en résumé la signification de la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent, le cheikh il dit que c'est pour ça que les hommes de science ont expliqué que de croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, ça implique deux choses. La première chose, c'est d'affirmer sa prophétie, le fait que c'est un prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de croire en tout ce qu'il a transmis de la part de son Seigneur, et que ça c'est quelque chose qui lui est spécifique et particulier sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu dois croire en tout ce qu'il a ramené, hein, et accepter tout ce qu'il a ramené, et que ce qu'il a ramené, il l'a ramené de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est obligatoire de le suivre. Donc c'est obligatoire de croire en tout ce qu'il a donné comme information à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos des choses de l'invisible, à propos des choses de l'autre monde, à propos du paradis et de l'enfer, à propos de la menace et de la promesse divine, le paradis et l'enfer, le châtiment de la tombe, ainsi que ses délices, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme information à propos de Allah lui-même dans toutes les différentes affaires qu'il a ramenées et qu'il a révélées. Et la preuve de ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 3 et 4 dans surat An-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et il ne parle pas selon la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, c'est une révélation qu'il transmet. C'est pas des paroles qu'il dit à partir de sa passion. D'accord? Donc ça c'est important. Et aussi, donc quand on dit qu'on croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on croit en tout ce qu'il a ramené comme révélation, comme information et tout, eh bien ça implique qu'on n'a pas le droit non plus de choisir parmi les choses qu'il a ramené. Par exemple, certaines personnes, quand ils disent qu'ils sont musulmans ou qu'ils croient en l'islam ou qu'ils croient en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils acceptent, wa alaykum salam wa rahmatullah, ils croient en certaines choses, ils croient en certaines des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, mais certaines autres, parmi certaines de ces choses là ils ne les acceptent pas, par exemple. Donc ça c'est pas acceptable, ça c'est pas correct. Celui qui accepte la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il doit accepter tout sans exception. Il doit tout accepter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis et croire en tout ce qu'il a ramené comme étant venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire j'accepte une partie et je n'accepte pas l'autre. D'accord? Et donc ça veut dire que la personne qui croit en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle doit se soumettre à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'accepter entièrement avec son cœur. Tandis que celui qui accepte une partie qui rejette l'autre, il n'a pas cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité. Et le cheikh il explique ensuite comme deuxième point dans cette partie al-matlab al-thani fi nawaqid al-iman bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les choses qui viennent annuler la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque quelqu'un commet cette chose ou fait cette chose, il devient mécréant, ça annule sa foi. Le cheikh il dit نواقض الإيمان به صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين القسم الأول الطعن في شخصه صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام من دين الله جل وعلا إما بإنكار أو بانتقاص و donc le cheikh il dit les choses qui annulent la foi d'une personne en le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire cette chose, c'est les choses qui vont annuler la foi de la personne en notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien ça c'est divisé en deux catégories. La première catégorie de choses qui annulent la foi d'une personne en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que quelqu'un par exemple insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa personne, hein? Ou bien porte atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa personne. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est une personne qui insulte ou attaque ou porte atteinte à quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ou informé, a donné comme information à propos de la religion d'Allah. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ramène quelque chose et que quelqu'un insulte cette chose ou dénigre cette chose ou manque de respect à cette chose ou se moque de cette chose, ou bien porte atteinte à cette chose, eh bien, cette chose qui fait partie de la religion d'Allah, en agissant ainsi, soit en la reniant, ou en la rabaissant, ou en la dénigrant, eh bien, ça c'est une chose qui annule sa foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, il explique maintenant les deux catégories, mais avec plus de détails. Il dit, « وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلِ وَهُوَ الطَّعْنُ فِي شَخْصٍ في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذا ما نسب إليه شيئا أو من نسب إليه شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ دينه وشريعته إلى الخلق فيلتحق به من طعن من طعن يلتحق به من طعن في عفته أو صدقه أو صلاحه أو من نسب النبي صلى الله من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو في خصلة من خصاله أو عرض به عليه الصلاة والسلام كل ذلك والعياذ بالله كفر بالله جل وعلا. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne la première catégorie de ce qui annule la foi d'une personne en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est quelqu'un qui insulte, hein, qui parle contre la chasteté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, avant ça, c'est le point qu'il a mentionné, c'est quelqu'un qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa personne et qui parle contre quelque, qui lui attribue quelque chose qui vient en opposition ou en contradiction avec le fait que Allah l'ait choisi comme messager. Hein? C'est-à-dire, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il entre, plutôt il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui vient en opposition et en négation avec le fait que Allah l'ait choisi comme messager pour transmettre sa religion et sa loi aux créatures et à la création. Donc, parmi ces choses-là, le fait de l'attaquer et de l'insulter dans son honneur, dans sa chasteté. D'accord? Donc, quelqu'un qui l'accuserait, par exemple, de pas être chaste, ou de pas être une personne morale. D'accord? Ou quelqu'un qui attaquerait son honnêteté, ou bien le fait qu'il est véridique. C'est-à-dire quelqu'un qui l'accuserait, par exemple, d'être menteur. Ou bien qu'il l'attaquerait dans sa vertu. Sa vertu et le bien qu'il... Oui, exact. Comme tu dis, barakallahu fik, les juifs et les chrétiens, eux, ils ont l'habitude de faire ça envers leurs prophètes. Et on a plein d'exemples, même dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que les Juifs ont attribué à certains des prophètes d'Allah, comme Lot alayhi salam, et comme Nuh alayhi salam, et d'autres, et Daoud alayhi salam, comment ils ont sali ces prophètes-là dans leurs livres. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est des exemples de choses qui sont en réalité des négations de la foi. Si quelqu'un il parle contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon-là, c'est clair que il a annulé sa foi, il n'a pas cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réellement. Et de même que la personne qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui le rabaisse, qui le dénigre dans sa personne ou dans sa lignée, hein, dans sa généalogie, ou bien dans une des caractéristiques, parmi ses caractéristiques, ou bien porte atteinte à sa personne et des choses de ce genre, ou se moque de quelque chose qu'il a ramené, ça c'est des choses qui font partie de ce qui annule la foi, et ça c'est de la mécréance, c'est du kufr. Hein, ça fait partie des nawaqid de l'islam. D'accord? Le deuxième point, amma al-qism al-thani wa huwa at-ta'n fi ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, فإن هذا من نواقض الإيمان به كما قلنا إما أن يكون بإنكاره أو بانتقاسه وهذا أمر ظاهر. Donc le deuxième point, c'est le fait d'attaquer ou d'insulter quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la révélation et des choses qu'il nous a informées de la religion d'Allah. Donc ça fait partie de ce qui annule la foi d'une personne. Comme nous l'avons dit, soit parce que la personne, elle renie ça clairement et ouvertement, ou bien qu'elle le dénigre, qu'elle le rabaisse, ou qu'elle s'en moque. Et ça, c'est une chose apparente et claire, lorsque la personne, elle fait ça, qu'elle a renié la foi. Le troisième point qu'on peut mentionner dans ce chapitre, au sujet de la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, المطلب الثالث للتوازيم بوينت أدلة القرآن والسنة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لبروفز القرآن و السنة au sujet de l'obligation de croire en notre prophète صلى الله عليه وسلم. Et cette obligation là, c'est pas une obligation qui se limite uniquement à un peuple parmi les peuples, comme par exemple les Arabes. Non, c'est une obligation qui est imposée à tous les peuples sur terre sans exception, à toutes les personnes, tous les êtres humains et tous les djinns, hein, peu importe leur origine. Et le cheikh il dit wa amma al-matlab al-thalith bi adillat al-Qur'an wa as-sunnah ala wujub al-iman bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam tadafarat ayyuha al-ahibba nusus al-kitab wa as-sunnah ala wujub al-iman bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam min dhalika qawluhu ta'ala لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ويقول جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال جل في علاه قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول والأدلة من القرآن كثيرة كما قلنا أما من نصوص السنة فكثيرة أيضا نقتصر على اثنين منها أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، ومما قاله له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Donc le cheikh il explique, il dit qu'il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna sur l'obligation de croire en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ces preuves sont innombrables, il y en a beaucoup, c'est très très courant dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc parmi les textes que le cheikh il a mentionné, il a cité le verset 9 dans Surat al-Fatih, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, pour que vous croyez en Allah et en son messager, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Donc on a dit, c'était dans Surat al-Fatih. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et pour que vous l'honoriez et reconnaissiez sa dignité, et par rapport à Allah que vous le glorifiez matin et soir. Donc ça c'est le verset 9 dans Surat al-Fatih. Après le cheikh il a cité le verset 8 dans Surat al-Taghabun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit alors croyez en Allah et en son messager et en la lumière qu'il a fait descendre, et en la lumière que nous avons fait descendre, et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Et le verset 132 dans Surat al-Imran, et obéissez à Allah et au messager pour que vous puissiez obtenir la miséricorde. Et le verset 32 dans Surat al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qui signifie, dis au Mohammed, obéissez à Allah et au messager. Donc ça fait partie des versets, des nombreux versets, où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est juste quelques versets, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui clarifient ce point-là. Après le cheikh il mentionne des hadiths, il dit il y en a beaucoup également, mais on va se limiter à 2 hadiths. Le premier, c'est le hadith qui est authentique, rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et qu'ils croient en moi et qu'ils croient en ce que j'ai amené, qu'ils croient en ce avec quoi je suis venu, c'est-à-dire qu'ils croient en moi et en ce avec quoi je suis venu, c'est-à-dire ce qu'il a ramené comme révélation, le Coran et la Sunna. Il dit, et s'ils font cela, eh bien dans ce cas-là, ils seront protégés contre moi dans leur vie et dans leur bien, excepté s'ils ont contredit un de ces droits, c'est-à-dire un des droits de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Excepté s'ils ont contredit un de ces droits, et leur jugement incombera à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui va les juger pour le reste. Il est rapporté donc également par Al-Bukhari et Muslim, et cette narration c'est la version de l'imam Muslim, l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé au Yémen un des compagnons qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen pour enseigner l'islam aux gens là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de l'envoyer, il lui a dit, je t'envoie vers des gens qui font partie des gens du livre. Alors appelle-les à témoigner ou au témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que je suis le messager d'Allah. Et s'ils t'obéissent dans cela, alors apprends-leur que, ou fais-leur savoir que Allah leur a ordonné de faire 5 prières durant le jour et la nuit. Donc ça veut dire que la première chose à laquelle il devait les appeler, c'est de témoigner de la ilaha illallah et de reconnaître que Muhammad est le messager d'Allah. Donc ça prouve que c'est une obligation pour les hommes de témoigner et de croire en le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah. Le point numéro 4 dans ce chapitre, il dit fi umumi bi'athatihi lis-saqalayn, c'est-à-dire que tu dois croire en la globalité et l'universalité de son message, c'est-à-dire qu'il a été envoyé aux hommes et aux djinns, tous les hommes sans exception et à tous les djinns, et non pas à un peuple en particulier seulement, comme les Arabes par exemple. Beaucoup de gens par exemple, ils disent l'islam c'est la religion des Arabes, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est venu pour les Arabes. Non, ça c'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas le prophète qui est venu uniquement pour les Arabes, et l'islam c'est pas une religion pour les Arabes seulement. Oui, même que parfois ils font du mot arabe et musulman un synonyme. C'est-à-dire ils essaient de faire croire aux gens que être arabe c'est être musulman et que être musulman c'est être arabe. Alors qu'en réalité, c'est un mensonge, car la religion de l'islam, c'est la religion de l'humanité tout entière. C'est une religion qui a été révélée pour toute l'humanité, et même pour les djinns aussi, qui ne sont même pas des êtres humains. Donc tous les hommes et les djinns sont ordonnés et appelés à accepter la religion de l'islam. La religion de l'islam qui est la soumission à Allah, et non pas un peuple en particulier parmi les peuples sur terre. Et ça c'est important de le comprendre. Et la preuve de ça, le cheikh il a cité dans cette partie plusieurs points, plusieurs preuves de ce point-là. Il dit تقرير هذا بين وظاهر لمن تأمل القرآن والسنة. Donc même si le Coran il est en arabe et les hadiths sont en arabe, est-ce que ça veut dire que la religion de l'islam se limite uniquement aux Arabes? Non. Le prophète Isa alayhi salam, il parlait hébreu. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont des gens qui sont de toutes sortes de peuples différents. Alors qu'à la base, son message était limité aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comme il l'a dit lui-même dans le Nouveau Testament, les chrétiens ils le savent, c'est écrit dans le Nouveau Testament et dans les évangiles. Lorsqu'il s'est adressé aux gens, il a dit « Je ne suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël ». Et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme à propos de Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie, il dit « Wa rasulan ila bani Israël » et un messager envoyé pour les fils d'Israël. Donc, Jésus, alayhi salam, il est venu uniquement pour les fils d'Israël, la maison d'Israël. Tandis que, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, non. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est pas venu uniquement pour une nation ou un peuple en particulier. Il est venu pour l'humanité tout entière. Et les preuves de ça, c'est dans le Coran. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, le verset 158 dans Surat Al-A'raf, il dit قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Je suis le messager d'Allah pour vous tous. C'est-à-dire sans exception, tous les peuples, tous les hommes, toutes les couleurs, toutes les races, toutes les langues, sans exception. Et il dit dans un autre verset, le verset 79 dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa arsalnaka lin-nasi rasula. Il dit et nous t'avons envoyé pour comme un messager pour les hommes, lin-nasi, lin-nas, an-nas ça veut dire les hommes sans exception. Et ça bien entendu ça comprend les femmes, parce que quand on dit les hommes, ça comprend les femmes aussi, pas seulement les hommes, parce que on sait que يعني le masculin l'emporte, malgré que les féministes aujourd'hui elles n'aiment pas ça, mais c'est comme ça, même en français c'est comme ça, le masculin l'emporte toujours, hein, parce que c'est comme ça que Allah l'a voulu. Donc les maintenant ils veulent changer même la grammaire. Allah musta'an, nasallallahu al'afiyah. Mais ça c'est quand les gens ils perdent la tête, commencent à vouloir changer les choses qui sont établies juste pour satisfaire leur complexe. Allah musta'an. Il dit wa qala ibn Manzur fi al-lisan an-nas qad yakunun min al-ins wa min al-jinn. Ibn Manzur, dans son livre Lisan al-Arab, une encyclopédie de la langue arabe, écrit par un des savants qui s'appelle Ibn Manzur, un grand linguiste, hein, il a dit dans son livre à la définition du mot an-nas, hein, que ça peut comprendre les hommes, ça peut être des êtres humains ou des djinns. An-nas, ça comprend les êtres humains et les djinns, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans surat al-jinn, il dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Donc il y a des hommes parmi les il y a des djinns masculins et féminins, comme il y a des êtres humains masculins et féminins, hein. Il dit donc que ça, quand tu dis an-nas, ça peut inclure les hommes et ça peut inclure les djinns aussi. Et il mentionne d'autres preuves aussi, d'autres versets. Le verset 1 dans Surat al-Furqan. يقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. C'est ça les gens. On vous les gens. Non, c'est-à-dire les gens, ça peut comprendre quand on dit les gens, ça peut comprendre les djinns, ça peut comprendre les êtres humains. Là, c'est ça le point qu'il mentionnait. Mais ça comprend aussi les femmes, parce que dans les hommes, ou les gens, il y a des hommes et il y a des femmes. Hein, c'est ça. Il dit, wa yaqul Allahu tabaraka wa ta'ala, donc tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. قال العلامة القرطبي رحمه الله في جامع لأحكام القرآن أن ابن عباس رضي الله عنهما قال العالمون الجن والإنس دليله قوله ليكون للعالمين نذيرا ولم يكن نذيرا للبهائم انتهى كلامه. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 1 dans surat al-Furqan que soit béni celui qui a fait descendre Al-Furqan sur son serviteur. C'est quoi Al-Furqan? C'est le Coran. Ça veut dire quoi Al-Furqan? Ça veut dire le discernement. Qu'est-ce qui distingue entre le vrai et le faux? Hein? Et donc le Coran c'est un discernement. Donc il dit béni soit celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Al-Alamin, hein? Pour les mondes. Et donc l'imam al-Qurtubi dans son tafsir qui s'intitule Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an, il dit que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit al-alamun, hein, ça c'est la forme quand al-alamun, quand il est sujet, hein, il prend un waw parce qu'il est marfou', quand il est mansoub ou majrour, il prend un ya. Alamin. Et ici, dans ce verset, l'il alamin, il est majrour à cause du lam. L'il alamin. Donc, al-alamun, ça comprend les djinns et ça comprend les hommes. Et la preuve, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, liyakuna lil alamin anadhira, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Et on sait très bien qu'il n'est pas un avertisseur pour les animaux. Il est un avertisseur pour les hommes et pour les djinns seulement. Hein? Fin de la citation de l'imam al-Qurtubi. Il dit وَمِنْ أَدِلَّةِ بِعْثَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّقَلَيْنِ مِنْ سُنَّتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْبَرَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لم يعطهن أحد قبلي فذكر من ذلك ما وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث وبعثت إلى الناس عامة، والناس هنا كالناس فيما تقدم بيانه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقوله وبعثت إلى الناس عامة، فوقع في رواية مسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود، فقيل المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب، وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن. وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ولأنه مرسل إلى الجميع. انتهى كلامه. Donc le Cheikh il explique ensuite parmi les preuves de la Sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous les mondes, hein, au monde des djinns et au monde des humains. Le premier hadith qu'il a rapporté, c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim, selon Jabir radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai reçu cinq choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai reçu cinq choses. Ces cinq choses-là, personne d'autre, personne avant moi, aucun prophète avant moi ne les a reçues. Il dit: j'ai reçu cinq choses. Ces cinq choses, personne ne les a reçues avant moi, excepté moi. Personne ne les a reçues parmi les prophètes avant moi. Et il a pas, le cheikh, il n'a pas mentionné les cinq. Il a juste mentionné le point qui prouve la question qu'on est en train d'expliquer maintenant. C'est-à-dire que un de ces éléments-là, parmi les cinq, c'est que il dit j'ai été les prophètes avant moi étaient envoyés à un peuple en particulier, tandis que moi j'ai été envoyé à tous les hommes de façon générale. D'accord? Donc ça c'est une des particularités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes auparavant ils venaient pour un prophète seulement, pour un peuple en particulier seulement, tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam non, il est venu et c'est le dernier des prophètes, il est venu pour tout le reste de l'humanité, tous les peuples sans exception. Et il dit wannasu, donc tous les hommes sont inclus ainsi que les djinns aussi sont compris là-dedans. Et il mentionne que l'imam al-Hafiz ibn Hajar dans Fath al-Bari il a expliqué ce hadith là en disant quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit j'ai été envoyé à tous les hommes de façon générale, dans la version de Muslim il est mentionné qu'il a été envoyé à tous les rouges et les noirs, à tous les rouges et les noirs. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les rouges et les noirs? Il a dit les rouges c'est les non-arabes et les noirs c'est les arabes. Et il a dit dans une autre explication que les ulama ont donnée que les rouges c'est les humains et que les noirs c'est les djinns. Et dans une autre, c'est-à-dire pas que les hommes noirs sont des djinns, non, que les noirs qui sont désignés dans ce hadith-là, ça désigne les djinns, pas que les noirs sont des djinns. Parce que les rouges, en voulant dire les rouges, c'est-à-dire les humains, ça veut dire ça comprend les blancs et les noirs parmi les humains. Et les noirs, en voulant dire les djinns. Ça, c'est une explication que les ulama ont donnée de la signification de ce hadith-là. Et il dit, وَعَلَى الْأَوَّلْ أَتَّنْصِيصُ عَلَى أَنَّ الْإِنْسِ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ. Il dit donc, selon la première, c'est pour indiquer que les hommes, yani, font partie donc de ceux qui reçoivent le message et qu'il est envoyé à tous les êtres humains. Naam. Il dit wa akhraja muslimun fi sahih min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fuddiltu 'ala al-anbiya'i bi sittin u'titu jawami' al-kalim wa nusirtu bir-ru'b wa uhillat li al-ghana'im وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. فقوله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة دلالة واضحة لعموم بعثته صلى الله عليه وسلم للثقلين، وهي رواية صريحة شاملة كما قاله الحافظ ابن حجر رضي الله حفظه الله رحمه الله، وكذلك بالتأمل في سنته العملية صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك جليا، فدعوته للبشرية ظاهر، فدعا كفار قريش وغيرهم، ودعا الجن أيضا، وهذا ظاهر لمن تأمل سورة الجن وتنظر قصتهم في صحيح البخاري. Donc le cheikh il dit, dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est rapporté par Muslim, il dit selon Abi Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été préféré aux autres prophètes par six choses. Hein? J'ai été préféré aux autres prophètes par six choses. C'est-à-dire, il y a six choses que j'ai reçues, hein, par lesquelles Allah m'a préféré aux autres prophètes. Et il mentionne la première, en titre Jawami'ul Kalim. Il dit: j'ai reçu Jawami'ul Kalim. Qu'est-ce que ça veut dire Jawami'ul Kalim? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Jawami'ul Kalim, ça veut dire, il dit peu de mots, mais que ça a une grande signification. Jawami'ul Kalim. Des paroles qui sont, yani, générales, des paroles qui impliquent des grandes significations. Jawami', c'est le pluriel de jami'. Hein? Et jami', ça veut dire quelque chose qui englobe beaucoup de choses, hein, qui est général, qui réunit beaucoup de choses. Et al-kalim, c'est le pluriel de al-kalima, hein, plusieurs paroles. Il dit wa nusirtu bir-ru'b. Nusirtu bir-ru'b, c'est-à-dire yani Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné sa victoire par la crainte qu'il lance dans le cœur de mes ennemis. Hein? Allah envoie dans le cœur des ennemis ar-ru'b. Il envoie dans le cœur des ennemis la peur avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive avec l'armée. Avec son armée, les gens ils sont pris de peur. Ça c'est une chose que Allah a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa uhillat li al-ghanaim. On m'a rendu licite les butins. Le butin de la guerre, parce que avant les prophètes ils n'avaient pas le droit au butin. Quand ils prenaient des butins dans une guerre, ils devaient les rassembler et les brûler. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a permis de prendre les butins. Et il dit wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, ou bien tahuran wa masjidan. Donc c'est, on est rendu à 1, 2, 3. Là, c'est la quatrième. La quatrième, c'est la terre a été rendue pour moi pure et comme un lieu de prière. Ça veut dire, peu importe où tu es, tu peux prier. Hein, et c'est pur pour toi dans le sens, elle est purifiante la terre. Non seulement elle est pure, mais elle est purifiante. Ça veut dire, si tu n'as pas d'eau, tu peux l'utiliser pour te purifier, pour faire le tayammum. Ça, c'est quelque chose, les autres prophètes, ils n'ont pas eu ça. Hein? Et il dit wa ursiltu ila al-khalqi kaffatan. J'ai été envoyé à toutes les personnes, toutes les créatures, sans exception, les hommes et les djinns, pas seulement à un peuple en particulier. Et la sixième, wa khutima bi an-nabiyyun. Les prophètes ont été, hein, la série de prophètes qui a été envoyée à l'humanité a été clôturée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le dernier. C'est lui qui vient sceller la prophétie et conclure la prophétie à l'humanité. Ensuite, il dit Na'am. Donc, quand il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé à toute l'humanité, ça c'est une preuve claire qu'il a été envoyé à tous les hommes et les djinns, sans exception. Et c'est une narration clair et explicite et global. Hein? Ça, c'est ce que Al-Hafiz ibn Hajar a dit. Après, il dit, quand on médite également sur sa sunna, dans sa pratique apparente, on voit ça clairement aussi, parce qu'il a appelé tous les hommes, de façon apparente, il a appelé les kuffars de Quraysh et les autres aussi. Même qu'il a envoyé des lettres à des rois de d'autres nations et d'autres peuples ou les appeler à l'islam. Donc ça, c'est la preuve que la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ciblait tous les êtres humains sans exception, pas seulement un peuple en particulier. Il dit ensuite, وَدَعَ الْجِنِ, il a même appelé également les djinns, hein, il les a appelés à l'islam. Et ça, c'est une chose qui est apparente pour celui qui médite et qui réfléchit sur, par exemple, sur Sourate al-Jinn. Dans Sourate al-Jinn, il y a des paroles à ce sujet-là. Il y a aussi Sourate al-Ahqaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les djinns. Et l'histoire de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux djinns, elle est mentionnée dans Sahih al-Bukhari, dans les hadiths de al-Bukhari. Le cinquième point, qui est le dernier point dans ce chapitre, le cheikh il dit: أما المطلب الخامس في وجوب الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها سبق معنا ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند البخاري في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة وأنه فيها قوله ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يصدق هذا قول يصدق هذا أو يصدق هذا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية دليل ظاهر بين على كمال هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أتم البلاغ وأكمله وبينه في أتم بيان وأحسنه وأوضحه، وهي شهادة من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit comme cinquième point dans ce chapitre qu'il est obligatoire de croire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis complètement et parfaitement le message d'Allah et sa révélation. Oui, le cinquième point par rapport aux obligations de la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah non, ça on les a mentionnés déjà. Oui. Non, ça c'est c'était dans le quatrième point, ça. C'était le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Et les cinq, on les a nommés tout à l'heure. On a dit: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. Ça c'était les six. Les six. Dans l'autre, il y en a cinq. Dans cette narration, il y en a six. Tu veux que je les répète rapide? Ok, d'accord. Prépare-toi bien. Je vais les répéter une fois pour toi. Peut-être dans l'autre narration, dans l'autre version, il y a peut-être le Coran, mais c'est clair que les autres prophètes, ils n'ont pas reçu le Coran. Des fois, il y en a qui ont reçu la Torah, ils ont reçu l'Injil et d'autres révélations. Que tout quoi? Ah, mais peut-être. Allahu a'lam, peut-être. Allahu a'lam. Mais c'est sûr que chaque livre, il est différent de l'autre. C'est pas le même. Oui, c'est ça. Chaque prophète, il reçoit son livre. Bon. Le cheikh il explique les six choses. Je te dis, la première, il a reçu Jawami'ul Kalim, c'est-à-dire les paroles ont peu de mots, mais qui ont une grande signification. C'est ça Jawami'ul Kalim. Il dit peu de mots, mais qui ont beaucoup de sens. La deuxième, Nusirtu bir-ru'b. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne la victoire par la peur. Allah, il jette la peur dans les cœurs de ses ennemis. Ça, c'est la deuxième. Nusirtu bir-ru'b. L'effroi, la crainte. Le troisième, Allah lui a permis le butin de guerre. Allah lui a permis le butin de guerre. Le quatrième, la terre a été rendue pure, purifiante et un lieu de prière pour lui. Un endroit où tu peux faire la prière. Et le cinquième, j'ai été envoyé à toute la création, sans exception, c'est-à-dire tous les hommes et les djinns. Et le sixième, c'est par moi qu'on a scellé la prophétie. C'est moi qui est venu pour terminer la série de prophètes qui a été envoyée. D'accord. Donc maintenant, pour revenir au point où on était en train d'expliquer l'obligation de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfaitement transmis la révélation et qu'il a complété sa mission. Eh bien, on a déjà mentionné, le cheikh dit, on a mentionné le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, rapporté par al-Bukhari, qui décrit la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été mentionné dans la Torah. La description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Et que c'est écrit à son sujet que Allah ne va pas prendre son âme jusqu'à ce qu'il ait établi la religion qui a été déformée. Rétablir ou redresser la religion qui a été déformée. En leur faisant dire, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. La ilaha illallah. Et il va ouvrir par cette parole les yeux qui sont fermés, qui sont aveugles, les yeux qui sont aveugles, les oreilles qui sont sourdes et les cœurs qui sont couverts. Il dit ensuite, ça c'est la fin du hadith, après il dit, et on voit que cette parole qui a été rapportée dans la Torah au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle confirme la parole d'Allah dans le Coran lorsque il dit dans le verset 3 dans sourate Al-Ma'ida, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et donc ça, c'est dans ce verset, il y a une preuve claire et apparente de la perfection de cette religion et du fait que cette religion, elle a été complétée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort avant d'avoir complètement transmis cette révélation et cette religion et de l'avoir complétée et parfaite et clarifiée de la façon la plus parfaite et la plus complète et de la meilleure manière et de la façon la plus claire. Et c'est un témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit wa akhraja muslimun في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد فهذه شهادة من خير القرون صحابته رضوان الله عليهم بأنه قد نصح وبلغ وأدى وهم خير خلق الله بعد نبي الله صلوات الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتقول عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وأرضاها عند هذه الأمة عند هذه الآية: ما حدثك أن من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب والله فقد كذب والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. فمن حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يوقروا له بفضله وأمانته وصدقه فيما بلغ به عن ربه وشريعته، وأنه قام بالبلاغ على أكمل وأتم وأوضح ما يكون. Donc le cheikh il termine donc ce chapitre en disant les paroles suivantes. Il dit donc que l'imam muslim, il a rapporté dans son sahih, selon Jabir, dans le hadith qui est très long, dans lequel il décrit le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le discours d'adieu qu'il a fait pendant le dernier hajj: j'ai laissé parmi vous ce que si vous y accrochez fermement, vous ne serez jamais égaré. Vous n'allez jamais vous égarer. Le livre d'Allah. Et dans une autre narration, il mentionne également la sunna. Mais dans cette narration-là, il a mentionné seulement le livre d'Allah. Il a dit, vous êtes questionné à mon sujet. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous êtes questionné à mon sujet. Alors qu'est-ce que vous dites? Ils répondirent, nous témoignons que tu as transmis le message comme il faut et que tu as remis le dépôt et que tu as été sincère. Alors il a levé son doigt vers le ciel et il le rabaisse vers eux, vers les sahaba, vers les gens en disant: oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin qu'il a transmis le message et ils ont témoigné de ça aussi. Les sahabes ont témoigné. Donc ça, c'est le témoignage de la meilleure des générations pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a été sincère, qu'il a transmis comme il faut le message et qu'il a remis le dépôt qui lui a été donné de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est les meilleures créatures d'Allah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 67 dans surat Al-Ma'ida: ô toi le messager, transmets ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, alors dans ce cas-là tu n'as pas transmis son message, et Allah va te protéger des gens. Allah va te protéger déjà. Donc ça, c'est la preuve dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de transmettre tout de la révélation et tout de la religion, de rien cacher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout transmis, il a rien caché. Et c'est pour ça que Aïcha radiallahu anha, elle a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'elle a dit, Aïcha, As-Siddiqa, la fille de As-Siddiq, la fille d'Abi Bakr, radiallahu anhu, elle a dit, radiallahu anha, si quelqu'un te raconte que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a caché quelque chose de ce que Allah lui a révélé, alors sache qu'il a menti. Et elle a cité le verset, le verset 67 dans surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô toi le messager, transmets ce qui a été révélé sur toi de ton Seigneur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le droit de garder quelque chose de la révélation pour lui, de ne pas le transmettre. Il n'a pas le droit. Allah lui interdit de faire ça. Alors ça réfute les soufis, parmi les égarés des soufis qui prétendent qu'ils ont des connaissances secrètes, des choses que personne ne connaît excepté eux, de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé secret. Ça, c'est des mensonges. Hein? La religion, elle a été transmise à tout le monde, sans exception. Et ceux parmi les sahaba qui ont appris quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, lorsqu'ils étaient avec lui et qu'ils étaient seuls avec lui, ils l'ont transmis par la suite après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Parfois quand ils étaient seuls avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de Mu'az radiyallahu anhu, quand il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout seul à Dodan, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Et ils ont dit, il a dit: Allahu wa rasuluhu a'lam. Et il a dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne va pas les châtier s'ils n'ont rien associé avec lui. Et quand il a dit ça, eh bien, le Mu'az ibn Jabal, radiyallahu anhu, il était content de cette nouvelle. Il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que je ne devrais pas aller annoncer cette bonne nouvelle-là aux gens? Hein? Que s'ils vont être sur le tawhid et qu'ils vont associer rien avec Allah, ils vont être au paradis, ils ne vont pas être châtiés. Est-ce que tu ne dois pas aller dire ça aux gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « La tubashirhum fayattakilu ». Il dit: « Non, ne leur dis pas, parce que peut-être qu'ils vont se baser juste là-dessus, puis ils vont délaisser les actions par la suite. Hein? » Donc, Mu'az, à la fin de sa vie, il a transmis le hadith. Il a dit: j'ai peur que je cache, que, il dit, j'ai peur de mourir en cachant la science. Alors, avant sa mort, il a rapporté ce hadith-là pour que les gens le sachent. Hein? Donc, c'est pour dire que il n'y a pas de connaissance cachée, secrète, que certains possèdent, que les autres musulmans ne peuvent pas avoir ou posséder. Et donc, ce que ces soufis, ils prétendent à ce sujet-là, ça c'est clair que c'est kadhib, c'est du mensonge. C'est ça, parce qu'en fait, les ulama, ils ont expliqué par rapport à ce hadith, et par rapport à la parole qu'il a dit à propos de pas le dire à tout le monde, parce que sinon ils vont se baser là-dessus, ils vont laisser les actions. Ils ont expliqué que c'est pas tout qu'il faut dire nécessairement à tout le monde. Parce qu'il y a certaines connaissances que si tu les donnes à certaines personnes et que eux ils ont pas une compréhension suffisante, ils risquent de le prendre incorrectement et de mal le comprendre et de l'utiliser incorrectement, cette connaissance-là. Donc c'est mieux dans ce cas-là de ne pas le dévoiler à tout le monde, mais de le faire connaître à ceux qui sont capables de le comprendre correctement. Hein? Et les ulama ont expliqué que des gens, par exemple, si tu sais qu'ils sont pas au niveau ou au degré de comprendre certains éléments de la religion, dans ce cas-là, il faut les éduquer. Il faut les éduquer en premier pour qu'ils soient capables de comprendre ces choses-là par la suite. Ils seront capables de les comprendre dans le bon sens et dans ce que ça signifie réellement. Donc, ayant dit ça, on va conclure ici pour ce cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.